Les chiens de guerre, pour reprendre le titre d'un best-seller de Frédéric Forsyth, c'est ainsi qu'on les a nommés, les mercenaires, ces hommes d'anciens militaires la plupart du temps qui louent leurs services et leur savoir-faire à qui veut bien les payer. Ils ont longtemps sévi en Afrique, là où les anciens colonisateurs ne pouvaient plus envoyer leurs armées officielles. C'était le temps des affreux, comme on les a encore appelés au Congo ou ailleurs, soldats perdus, aventuriers, militaires de fortune et même condamnés de droit commun. On trouvait alors de tout chez ces mercenaires, spécialistes en coups tordus et autres putschs. Et encore, assez récemment, en 2004 précisément, une équipe de chiens de guerre a tenté de chasser du pouvoir le président de la Guinée équatoriale. Une étrange affaire où ont été impliqués des personnages de premier plan, dont le propre fils de la dame de fer, Mark Thatcher. Monsieur X va y revenir longuement. Un rappel toutefois avant d'écouter son récit. Selon notre mercenaire français le plus emblématique, le célèbre et très controversé Bob Donnard, le mercenariat serait le deuxième plus vieux métier du monde. Effectivement, on trouve la présence de ces soldats sans armée à toutes les époques. Pour ne parler que de l'époque moderne, citons les reîtres, les condottieri, les corsaires, les hulans, même les gardes suisses du Vatican peuvent être considérés comme des mercenaires. Et aujourd'hui ? Eh bien, le mercenariat vit son âge d'or. Il existe de véritables entrepreneurs de guerre qui font fortune en proposant, par exemple, leur service aux armées de la coalition présente en Irak. Des milliers de mercenaires, en général anglo-saxons, sont ainsi engagés en Irak et remplissent des missions dévolues en principe aux armées officielles. Une privatisation de la guerre qui n'est pas sans inquiéter et qui fait débat en particulier dans les instances internationales. La Guinée équatoriale, minuscule état de 28 000 km² et de moins d'un million d'habitants, est un pays à la géographie aberrante. Aberrante, c'est-à-dire ? Bah, il est composé de trois morceaux répartis dans le golfe de Guinée sur des centaines de kilomètres. Deux îles et un territoire continental coincé entre le Cameroun et le Gabon. Ah oui, alors cette absence de continuité doit poser pas mal de difficultés. Bah évidemment, d'autant qu'il s'ajoute à cela des problèmes ethniques. Oh, mais ça, c'est comme dans la plupart des pays africains. Hein. C'est juste. Alors, pour simplifier, disons que la grande majorité de la population appartient à l'ethnie Fang. Mais l'île de Bioko est peuplée de Boubis, et la coexistence entre ces deux ethnies n'est nullement évidente. Et les Fang n'auront de cesse de prendre l'ascendant à Bioko. Une île plus riche que le reste du pays et qui a longtemps produit un excellent cacao. Bioko qui, par ailleurs, accueille la capitale de la Guinée équatoriale, Malabo. Et politiquement, alors ? La Guinée équatoriale a longtemps été une colonie espagnole. Elle a accédé à l'indépendance en 1968. Sous Franco, donc. Oui, mais à l'évidence, le colonisateur a mal préparé cette passation de pouvoir. Et comme ce petit pays ne disposait pas d'un leader charismatique, un Houphouët-Boigny, par exemple, c'est un petit fonctionnaire qui est porté à la tête de l'État. Un certain Francisco Macias Nguema. Cependant, à Madrid, on se rend compte que ce type ne fait pas l'affaire. Et à peine 6 mois plus tard, les Espagnols fomentent un coup d'État. Afin d'éliminer la, Macias Nguema, c'est ça ? Bien sûr, mais l'homme est plus coriace qu'on ne pensait à Madrid. Ah oui, alors le coup échoue. En effet. Première conséquence, les colons espagnols fuient en masse et l'économie équato-guinéenne est décapitée. Deuxième conséquence, le président se tourne vers le bloc de l'Est. Il demande son assistance. C'est ça. Et en même temps, il procède à des nationalisations qui, effectuées à tort et à travers, finiront par ruiner définitivement l'économie. Face à cette situation catastrophique, le petit fonctionnaire se mue en dictateur féroce et sanguinaire. Ah oui, pour sauver son pouvoir. Naturellement, car le mécontentement grandit. Et on estime que Macias Nguema va éliminer physiquement entre 5 000 et 10 000 équato-guinéens. Alors que le pays ne compte à cette époque un peu plus de 400 000 habitants. Oui, c'est ça, c'est énorme. Hein. Ah bah oui, et parallèlement, 100 000 autres citoyens fuient vers l'Espagne ou les pays voisins. Mmh. Une véritable hémorragie. Ouais, qui appauvrit encore un peu plus le pays. Et un pays qui est maintenant entièrement sous la coupe de Macias Nguema et de son clan. Car forcément, le dictateur a confié à ses parents les postes les plus importants, et donc les plus rémunérateurs. Toutefois, ses excès sanguinaires commencent à inquiéter. Et d'abord, les membres de son clan. Qui profitent pourtant de la situation. Ah oui, mais qui craignent un jour ou l'autre un retour de bâton. Par conséquent, un conseil de famille se réunit au cours de l'été 1979. Et il est décidé de se débarrasser de ce parent trop encombrant. Ah oui, mais comment ? Oh, c'est très simple. Un neveu Teodoro Obiang Nguema, commandant des forces de sécurité, fait arrêter le dictateur. Et après quelques semaines de détention et un procès expéditif, il est purement et simplement exécuté. Ouais. C'est effectivement très simple. Alors, la Guinée équatoriale respire. Incontestablement. Sur le plan intérieur, car le nouvel homme fort met fin à la politique de terreur. Et aussi sur le plan extérieur. Obiang, tout en ne se brouillant pas avec le camp de l'Est, se rapproche de l'Ouest, et même de la France. La Guinée équatoriale adhère à la zone franc et choisit le français comme deuxième langue officielle. Oui, sans doute à cause de sa proximité avec des pays francophones. Bien entendu. Ouais. Cependant, le nouveau président se garde bien de mettre en cause le fondement même du pouvoir, c'est-à-dire la mise en coupe réglée du pays par son clan. Le népotisme. Et la corruption. Ouais. Pour Obiang et les siens, la Guinée équatoriale devient une sorte d'affaire familiale. Et bientôt, on va s'apercevoir qu'Obiang ne fait aucune différence entre le trésor public et sa cassette personnelle. Oh, ce qui est le cas de pas mal de dictateurs, hein. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Mais en l'occurrence, c'est particulièrement spectaculaire, car ce petit pays va soudain devenir un très important producteur de pétrole. Et les dollars vont couler à flot en Guinée équatoriale. Mais, évidemment, tous n'en profiteront pas. Cependant, avant de voir cela plus précisément, un dernier mot sur la situation politique. Le président Obiang, vous devez le savoir, est toujours au pouvoir. Ouais, ça fait donc plus d'un quart de siècle. Oui, ouais. Une sorte de record en Afrique. Seul le président Omar Bongo dépasse cette longévité. Alors, comment le leader équato-guinéen s'est-il débrouillé pour durer aussi longtemps? C'est assez simple. En 1982, le conseil militaire, qui est assez naturellement à sa botte, prolonge son règne de 7 ans. Une période au terme de laquelle le pays doit être doté d'une nouvelle constitution et où les citoyens seront appelés aux urnes. Ouais, une promesse qui sera tenue? En principe, oui. Attendez, pourquoi cette réserve? Parce que le président Obiang est élu à une majorité écrasante. Ah oui, ça vous paraît louche? Forcément. Et notez bien que malgré l'instauration du multipartisme sous la pression de l'ancien colonisateur, tous les scrutins qui vont suivre seront remportés haut la main par le parti d'Obiang. Ah quoi, les urnes ont été bourrées? Bon, c'est vraisemblable. En 2002, par exemple, le dictateur se fera réélire avec plus de 97% des voix. La fraude est d'autant plus facile qu'il n'existe pas de liste électorale et que, bien souvent, il n'y a pas d'isoloir. Alors, on peut donc intimider directement les électeurs. Bon, c'est certain. En tout cas, ces scrutins douteux vont irriter l'Espagne du socialiste Felipe González, qui du coup va diminuer de moitié l'aide économique qu'elle apporte à son ancienne colonie. Parce qu'il n'y a pas que ces manquements à la démocratie. À partir de la moitié des années 90, la répression s'abat sur les opposants qui sont arrêtés et maltraités. Ouais. Alors, finalement, le neveu reprend donc les méthodes de son oncle. Et en ce sens, c'est son digne héritier. J'ajoute, ce n'est pas négligeable, que dans les années 80, de nombreux notables équato-guinéens vont tremper dans le trafic de la drogue. Pourquoi le pays produit de la drogue? Ben non. Mais il devient une plaque tournante du trafic entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Et ses responsables équato-guinéens vont profiter de leur immunité diplomatique pour transporter la cocaïne. Toutefois, quelques-uns d'entre eux se feront quand même pincer. Mais les membres du clan n'auront bientôt plus besoin de ce trafic de drogue pour arrondir leur fin de mois. Ah oui, à cause de la manne pétrolière. Bien entendu. Alors, voyons ça de plus près. La présence de pétrole offshore dans le golfe de Guinée semblait logique, puisque cette zone se trouvait entre les gisements du delta du Niger et se situait au large des côtes gabonaises. Mais les premières recherches effectuées dans les années 60-70 s'étaient pourtant révélées décevantes. Toutefois, au début de la décennie suivante, de nouveaux forages démontrent qu'il y a du pétrole au large de l'île de Bioko. Et bien sûr, cela attise la convoitise de nombreux pétroliers. Lesquels? D'abord les Espagnols, qui ont créé une société avec Obiang. Deux Espagnols qui voudraient bien bénéficier d'un monopole de fait dans l'extraction du pétrole de la région. Mais les Français aussi sont intéressés, puisqu'ils exploitent déjà des champs pétrolifères très proches. Et enfin, les compagnies états-uniennes sont aussi sur les rangs. Et c'est d'ailleurs l'une d'entre elles qui va commencer l'exploitation au large de l'île de Bioko. Quoi qu'il en soit, c'est le début d'une fabuleuse aventure pétrolière pour la petite Guinée équatoriale. Fabuleuse, vraiment? Oui, parce qu'on va trouver du pétrole un peu partout dans le golfe de Guinée. Et dans des zones qui se trouvent dans les eaux territoriales équato-guinéennes. En effet. Et on va assister à un véritable boom pétrolier. À tel point que la Guinée équatoriale devient le troisième producteur africain de pétrole offshore. Est-ce que la croissance suit? Oui. Elle est même faramineuse, 40% en 1996, 50% en 1997, et au moins 20% dans les années 2000. Alors, la Guinée équatoriale s'enrichit. Ah oui, mais pas les équato-guinéens. Ah oui. Tandis que la plupart d'entre eux vivent dans des conditions déplorables avec seulement $1 par jour, les comptes en banque du président Obiang Nguema gonflent démesurément, à tel point que la célèbre revue américaine Forbes a pu classer Obiang parmi les 100 plus grosses fortunes mondiales, à peu près au niveau de la fortune de la reine d'Angleterre. Et l'existence de ce magot qui ne cessait de grossir ne pouvait qu'exciter les convoitises, et même au sein du clan présidentiel. X. Dans l'excellent ouvrage collectif « Les nouveaux mondes rebelles » paru en 2005, j'ai trouvé cette analyse de la situation économique de la Guinée équatoriale. De 1995 à 2000, le PIB s'est accru de 400%. L'ensemble des agrégats macroéconomiques connaissant une embellie similaire. Le PIB dépasse désormais les $4,500 américains par habitant, mais cette manne pétrolière s'avère particulièrement mal répartie, à peine 2% de la population en profitant pleinement, selon certaines études du FMI, le Fonds monétaire international. Le pays est devenu un chantier permanent, programme d'aménagement urbain à Malabo et à Bata, extension du réseau d'électricité dans tout le pays, travaux d'infrastructures divers, projets d'industrialisation, mais sans que la population n'en tire de véritables bénéfices dans sa vie quotidienne. En dépit de certains engagements pris par le régime à la demande des bailleurs de fonds, annonce à l'été 1999 de la création d'un comité de surveillance chargé d'assurer la transparence et l'efficacité de l'utilisation des revenus ainsi que d'un fonds de réserve pour les générations futures, la gestion de la rente pétrolière se caractérise par une forte opacité et la primauté du fait du prince. Jusqu'en 2001, les statistiques exactes de production n'était jamais rendu public et les revenus pétroliers n'étaient pas intégralement pris en compte dans le budget de l'État. Cette gestion patrimoniale au bénéfice exclusif du clan dirigeant et la richesse de plus en plus ostentatoire que ses membres affichent, combinée au manque d'ouverture politique, ne pouvait susciter que mécontentement et frustration au sein de la population. Les nouveaux mondes rebelles est publié par les éditions Michelon. Voyons d'abord ce qui se passe à l'intérieur du clan. Le contrôle de cette montagne de pétrodollars, 700 millions de dollars rien que pour l'année 2003, fait des jaloux. Et la solidarité tribale commence à se fissurer sérieusement. Et puis il y a la perspective de la succession. La succession d'Obiang. Or, régulièrement, on prétend qu'il est malade. Ah bon, c'est vrai ça? Je ne sais pas. Mais de nombreux médecins étrangers veillent sur sa santé. Mais, et il a quel âge? Je crois qu'il a fêté l'an dernier, ses 65 ans. Ah, donc un homme encore dans la force de l'âge. Il n'empêche qu'on spécule sur son état de santé. Et on sait qui? C'est son entourage? Bien sûr. Sa nombreuse famille, oncles, neveux, frères et enfants, car Obiang a plusieurs femmes. Mais ce sont surtout ceux qui occupent de hauts postes dans l'armée ou les services de sécurité qu'il faut surveiller de près. Mais Obiang est bien placé pour savoir quels dangers ils peuvent représenter. Hein. Naturellement. Il y a par exemple Agustin Dong Ona, le demi-frère du président inspecteur général des forces armées, l'un des plus proches conseillers d'Obiang. Que s'est-il passé exactement avec ses parents? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'après une dispute avec le fils préféré d'Obiang, le turbulent Teodorino, ce demi-frère aurait fait deux tentatives de suicide. Ne s'agirait-il pas plutôt de tentatives d'assassinat? Je vous l'ai dit, je l'ignore. En tout cas, à la suite de ces événements, Agustin a quitté le pays. Alors, où est-il allé? Selon la version officielle, il est allé se faire soigner en Espagne. Il est revenu quelques mois plus tard, au cours de l'été 2004, et il est allé directement trouver refuge dans son village. Depuis, il s'est bien gardé de faire parler de lui. C'était peut-être plus prudent. Hein. On peut le penser, en effet. Mais si j'ai choisi de vous parler en particulier de cette affaire... Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Plusieurs, oui, et qui ne sont pas terminés de façon aussi paisible. Quoi, des assassinats? Des disparitions étranges, des maladies foudroyantes, des accidents, une sorte d'épidémie qui a frappé la caste dominante ces dernières années. Alors, je reviens à ce que je disais. Si je vous ai parlé des malheurs de ce demi-frère du président, c'est à cause de la date, l'année 2004. Et pourquoi précisément cette année-là? Parce qu'au mois de mars de cette année, le régime du président Obiang Nguema va connaître une importante entreprise de déstabilisation. Et vous pensez que cette Agustine-là aurait pu faire partie du complot? Je ne l'exclus pas. Lui et peut-être même d'autres membres du clan présidentiel, en tout cas. La coïncidence m'intrigue. Alors, parlons maintenant de cette affaire de 2004. Une affaire qui n'a pas encore livré tous ses secrets, mais qui a été résumée d'une façon un peu trop abrupte à mes yeux par l'expression argotique anglo-saxonne « wonga coup », c'est-à-dire à peu près un coup pour un tas de fric. C'est un journaliste britannique qui a ainsi intitulé un livre consacré à l'affaire. Il est donc d'abord question d'argent. Essentiellement. Alors, essayons d'abord de tirer les ficelles de cette sombre histoire. Il faut d'abord parler d'un certain Servas Nicolas Dutoit. Qui est celui-là? Dutoit, qui a adopté un prénom plus anglo-saxon, Nick, est un ancien officier de l'armée sud-africaine. Oui, du temps de l'apartheid. Oui, ce baroudeur est ensuite devenu mercenaire au sein d'une redoutable unité, le bataillon Buffalo, appelé aussi bataillon 32. Redoutable, avez-vous dit? Cette unité, aux méthodes expéditives, était en effet chargée de lutter contre les opposants tant en Angola qu'en Namibie. Avec l'assentiment du régime sud-africain. Bien évidemment. À l'époque, Pretoria donnait un coup de main à tous les mouvements antisubversifs ou considérés comme tels. Mais la fin du régime de l'apartheid et l'arrivée au pouvoir de Nelson Mandela ont condamné ce bataillon au désœuvrement. Et après sa dissolution, nombre de ses soldats, les Blancs tout au moins, ont essayé de rejoindre des officines de sécurité. Ouais. Est-ce le cas de ce Dutoit, là? Non. Lui s'est apparemment rangé. Avec femme et enfant, il s'est fixé à Pretoria et s'est lancé dans les affaires en créant des sociétés de pêche industrielle, de transport et bien sûr de sécurité. Ah ouais, il n'a donc pas tout à fait rompu avec le mercenariat. C'est vrai. Et c'est un véritable problème pour le gouvernement sud-africain. Pourquoi alors? Parce qu'on va trop souvent retrouver des Sud-Africains dans les sales coups perpétrés par ces chiens de guerre, sur le continent ou ailleurs. La fin de l'apartheid a mis sur le marché des milliers d'hommes qui ont refusé de rejoindre l'armée nationale et se sont vendus aux plus offrants. C'est allé si loin que le gouvernement sud-africain a dû récemment adopter une loi anti-mercenaire. Il est désormais interdit aux citoyens de ce pays de travailler pour une société privée de sécurité. On en reparlera. Alors, revenons à Dutoit. Volontiers. Au cours donc de l'année 2003, l'ancien officier du bataillon Buffalo envoie deux émissaires dans des pays de l'Afrique de l'Ouest, et en particulier en Guinée équatoriale. Quelle est leur mission? Ils sont chargés d'explorer les possibilités d'investissement dans ces pays, notamment dans le domaine de la pêche industrielle. Mais j'ai des doutes sur la nature de la véritable mission de ces deux hommes. Est-ce que ça cache autre chose? Je le crois. Certes, dans ces pays, pour faire des affaires, il faut s'assurer de protection politique. Mais là, ces deux personnages font très fort. C'est-à-dire? Grâce à l'entremise d'un ancien ministre, ils entrent en contact avec l'un des frères du président Obiang Nguema. Et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du patron de la sécurité d'État, Armengol Ondo Nguema. Quoi qu'il en soit, cette première prise de contact semble si fructueuse que Nick Dutoit décide de se rendre lui-même en Guinée équatoriale. De quoi s'agit-il exactement? Un mystère. Cependant, écoutez la suite. Après avoir lui aussi rencontré Ondo Nguema, Dutoit repart pour l'Afrique du Sud. Et il se démène pour essayer de récolter des fonds. Et dans quel but alors? Il entend créer une nouvelle société, la Triple Action Trading. Son objet social prévoit que la nouvelle compagnie s'occupera de pêche, de transport aérien, d'agriculture et de toute autre activité dans laquelle la société souhaiterait s'engager. Hey, en bref, elle peut intervenir dans n'importe quel secteur. C'est à peu près ça, oui. Hey. Et Dutoit trouve effectivement de l'argent? Oui. Et l'un des contributeurs s'appelle Simon Mann, un type dont la singulière personnalité donne l'une des clés de cette histoire. Enfin, n'allons pas trop vite. Non, je vous promets que je reviendrai longuement sur le profil de ce personnage. En tout cas, grâce à ses fonds propres et aux millions de dollars que lui apporte Simon Mann, Nick Dutoit peut donc créer sa société domiciliée à Pretoria. Et à l'occasion d'un nouveau voyage à Malabo, Il propose à ses relations équato-guinéennes de prendre 50% du capital. Ses relations, c'est-à-dire le frère du président là. Et cet ancien ministre qui a préparé le terrain, naturellement. Ces deux politiciens acceptent l'offre de l'ancien mercenaire. Alors, Dutoit est donc maintenant associé au frère du président Obiang, par ailleurs chef de la sécurité de la Guinée équatoriale. Et en même temps, il se lance dans une série d'achats. Un bateau et deux avions de transport, un Ilyushin et un Antonov. Ah, alors il est peut-être plus seulement question de pêche industrielle. Ça me paraît évident, mais c'est surtout le passé du personnel qu'il embauche qui étonne. Tous sont d'anciens compagnons d'armes. Des mercenaires. Exactement. Et pour Dutoit, il ne s'agit pas de venir en aide à des camarades en difficulté, non. Ce qui l'intéresse, ce sont les compétences très particulières de ces hommes. X. Les Sud-Africains ont fourni les plus gros contingents de mercenaires. Et a dit Monsieur X, Pretoria a décidé de mettre un terme à cette activité qui portait tort à l'image du pays. En témoigne cet article du Monde paru en 2006. L'Afrique du Sud va mettre un terme définitif aux activités de ces chiens de guerre. Une nouvelle fois, elle a renforcé son arsenal législatif afin de ne plus voir ses anciens militaires vendre leurs compétences à des armées étrangères ou des sociétés privées de sécurité. Depuis 1994, le gouvernement tente de remettre de l'ordre. Il a d'abord interdit les compagnies privées comme la société Executive Outcomes qui s'était illustrée en Sierra Leone ou en Angola. Certains ont, depuis l'étranger, continué à recruter dans le vivier sud-africain. Il se trouve encore des candidats pour les postes, certes dangereux mais rémunérateurs, d'agents de sécurité, de gardes rapprochés ou de mercenaires à la solde de plusieurs francs. Et pas seulement dans les rangs de l'ancienne armée. Les jeunes recrues des unités d'élite, de l'armée ou de la police, dont les salaires sont bas, sont tentés par l'aventure et l'argent proposé. Dès 1998, le pays s'est doté d'une loi anti-mercenaires qui s'est rapidement révélée inefficace. Cela n'a pas empêché les Sud-Africains d'aller travailler pour le rang Gbagbo en Côte d'Ivoire ou de monter un coup d'État déjoué contre le président de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema. Il y a 3 ans. Sans compter les quelques milliers d'autres, entre 2000 et 4000 selon les sources, qui travaillent actuellement en Irak pour différentes compagnies privées. Les mercenaires sont un fléau dans les pays pauvres. Ce sont des tueurs à louer, a déclaré le ministre de la Justice sud-africain, Lekota, devant le Parlement mardi 29 août. Désormais, plus aucun Sud-Africain ne pourra travailler pour une société privée de sécurité, ni pour une armée nationale, sans l'accord préalable du Comité national de contrôle des armes conventionnelles. Avant de poursuivre ce récit, je tiens ma promesse. Alors, qui était ce Simon Mann qui va jouer un si grand rôle dans cette histoire ? Ce personnage appartient à la gentry britannique. Son père, capitaine de l'équipe nationale de cricket et propriétaire d'une grande brasserie, a fait en sorte de lui donner une éducation très distinguée. Eton, puis la très réputée école militaire de Sandhurst. La crème, quoi. Et ce jeune homme qui a incontestablement une vocation d'officier rejoint dès la sortie de l'école les Scots Guards, l'un des meilleurs régiments au service de sa gracieuse majesté. Mais il a soif d'aventure et son incorporation dans cette unité, aussi prestigieuse soit-elle, ne lui suffit plus. Alors, il passe les redoutables tests de sélection du Special Air Service. Le SAS, hein, une unité créée pendant la Seconde Guerre mondiale par Churchill, je crois. Hein. C'est ça. Les SAS sont des hommes d'action un peu l'équivalent de notre 11e choc où le SDEC recrutait ses agents chargés des opérations clandestines. Et aujourd'hui, les SAS s'occupent essentiellement de renseignement et de lutte contre le terrorisme. Et ça convient très bien à Mann, qui va servir en tant que commandant dans plusieurs pays. En Allemagne, à Chypre, en Amérique centrale et bien sûr en Irlande du Nord. En même temps, lorsqu'il se trouve à Londres, ce jeune homme de très bonne famille a ses habitudes dans le plus vieux et le plus huppé club de Londres. Gentleman et baroudeur tout à la fois. Et tout à fait. Mais encore une fois, Mann finit par se lasser de l'armée. Mais pourquoi ? La vie militaire lui paraît trop banale. Et en 1981, il doit avoir une trentaine d'années, il démissionne. Et que va-t-il faire alors ? Il existe toute une période de sa vie qui reste assez mystérieuse. Mais il ne fait nul doute qu'il a mené des opérations pour son propre compte. Et il a d'abord fait des affaires. Il a, par exemple, vendu un logiciel inviolable. Mais très vite, c'est un autre secteur qui l'attire. Oui, le mercenariat, j'ai Et le domaine de la sécurité. Ouais. Il va ainsi fournir des gardes à de riches arabes dont les terrains de chasse écossais sont pillés par des braconniers. Bon, ça me paraît anecdotique, ça. Bon, d'accord, mais enfin, Simon Mann ne va pas en rester là. Il ne faut pas oublier qu'en tant qu'ancien officier SAS, Mann a une incontestable compétence en matière militaire et dans la conduite des opérations clandestines. Il a même une telle réputation qu'à l'occasion de la guerre du Golfe, en 1990, on lui demande de rendre l'uniforme. Et il accepte ? Oui. Il rejoint l'état-major du commandant des forces britanniques à Riyad. Mais ce n'est qu'une parenthèse dans sa vie aventureuse. Mann retourne vite vers le privé. Et en 1993, il crée, avec un homme d'affaires britannique, la trop célèbre entreprise de mercenaires Executive Outcomes. Pourquoi trop célèbre ? Bon, parce qu'elle va être mêlée à des actions peu reluisantes, mais très fructueuses. Par exemple ? En Angola, cette compagnie de mercenaires est chargée de protéger les installations pétrolières de Chevron Texaco contre les attaques des rebelles de l'UNITA. Ouais, ça c'est le mouvement armé de Jonathan Savimbi. Hein. Mm-hmm. Mais pourtant, j'imagine que cette guérilla pro-occidentale, hein, celle de Savimbi, en tout cas opposée au régime marxiste en place à Luanda, bah, devrait plutôt avoir les sympathies de Mann. Certes, certes, mais les affaires sont les affaires. Ah, oui. Et si vous me passez l'expression, les mercenaires de Simon Mann n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Ils attaquent les rebelles avec des bombes au phosphore. Et du napalm. Et ils mènent de véritables bombardements aériens contre les unités de Savimbi. C'est d'ailleurs en partie l'action des mercenaires qui obligera le chef de l'UNITA à s'asseoir à la table des négociations en 1994. Quoi qu'il en soit, Mann se constitue une considérable fortune. Les pétroliers états-uniens, donc, paient très bien. Et rubis sur l'ongle. Mmh. Et puis, ses succès obtenus en Angola lui amènent d'autres clients. La Sierra Leone, en proie à une terrible et quasi permanente guerre civile, fait appel à ses services. Pour l'occasion, Mann crée une autre société avec un personnage emblématique du mercenariat, Time Spicer. Un homme qui, aujourd'hui, au service des États-Unis, en Irak, dirige une florissante compagnie de mercenaires. Mais Spicer, enfin, j'en ai entendu parler, c'est une sorte de légende dans ce domaine. En tout cas, c'est le mercenaire le plus connu. Avant même Simon Mann ou le Sud-Africain Mike Hoare, un soldat de fortune qui a combattu au Congo pour le compte de Moïse Tshombe. Toutefois, si vous le voulez bien, on évoquera un peu plus tard le cas de cette nouvelle compagnie de mercenaires fondée par Spicer et Mann. La Sandline International, qui sera à l'origine d'un considérable scandale international. En tout cas, si je vous ai bien entendu, Simon Mann est maintenant très riche. Et il a investi une partie de sa fortune dans l'achat d'un château situé en Grande-Bretagne, dans le Hampshire plus précisément. Un château qui appartenait à la branche anglaise des Rothschild. Mais il n'y demeure guère. Il met cette superbe résidence en location et part s'installer en Afrique du Sud avec sa troisième épouse et les trois enfants qu'elle lui a donnés. Mmh. Il y a un peu la bougeotte, non ? C'est certain. Et c'est d'ailleurs ce qui causera sa perte. Mais, n'est-ce pas, n'allons pas trop vite. Si vous possédez mes réactions maintenant. Pardonnez-moi, ça a été plus fort que moi. Simon Mann, qui arbore maintenant une allure de respectable homme d'affaires, a choisi d'acheter une luxueuse demeure de style hollandais dans un quartier chic de la ville du Cap. Il semble s'être à leur rangé. Il collectionne les objets d'art, va à la pêche, reçoit ses relations sud-africaines. Toutefois, en 2002, se place une curieuse parenthèse. Mann va faire du cinéma. C'est sérieux ? Absolument. Simon Mann joue le rôle d'un officier parachutiste dans un film que vous avez vu, je le sais, Bloody Sunday. Oui, le Dimanche sanglant, c'est l'œuvre de Paul Greengrass à propos du massacre en 1972 de manifestants pacifiques irlandais du Nord par une unité parachutiste. On en a parlé. Exactement. C'est Simon Mann qui joue avec conviction et beaucoup de vraisemblance le rôle du colonel Derek Welford. Mm-hmm. Là, vraisemblance, je veux bien le croire, il devait être dans son élément après tout, hein, mais la conviction. Mann, tout en considérant que les paras avaient commis à Derry une belle connerie, selon ses propres termes. En effet, commis à désordre. Hein. Mmh, c'est vrai. Mais Mann voulait, en quelque sorte, sauvegarder l'honneur de l'armée et participer à sa façon au processus de paix. Et donc à la reconnaissance de la responsabilité britannique dans ce massacre. C'est certain. Mmh. Bizarre quand même, hein, pour un type qui n'hésitait pas à balancer des bidons de napalm sur les rebelles africains qui menaçait les intérêts pétroliers des grandes compagnies américaines. Bon, je suis d'accord avec vous, mais Simon Mann est à l'évidence un être complexe. Ah, oui, oui, oui. Et surtout un homme qui hait l'ennui plus que tout. Et c'est pourquoi ce type qui mène une vie confortable en Afrique du Sud, entouré de l'affection des siens, comme on dit, ne va pas résister à l'appel de l'aventure lorsque son ami Dutoit vient le solliciter en 2003. En outre, il n'est pas exclu que Simon Mann, qui menait la vie à grande guide, ait alors connu quelques difficultés financières. Oui, pourtant dit que ses activités de mercenaire lui avaient permis de se construire une véritable fortune. Sans doute, mais je ne peux pas vous en dire plus. Par contre, ce dont je suis à peu près certain, c'est que cet homme d'action qui avait jusque-là réussi dans tout ce qu'il avait entrepris n'a pas réellement pris la mesure des dangers qu'il allait courir en s'engageant dans cette aventure équato-guinéenne. Vous voulez dire qu'il a péché par incompétence ? Oui, puis sans doute aussi par cupidité. Après tout, il ne s'agissait rien moins que de s'emparer d'un pays. Ouais, de ses richesses. Des richesses colossales, je vous le rappelle, puisque le président Obiang Nguema était devenu l'un des hommes les plus riches du monde. Mais et c'est là où Simon Mann m'étonne. Il n'a pas compris qu'il tombait dans un piège, et qu'on l'attendait, lui et ses copains mercenaires. Un piège, avez-vous dit, hein ? Bien sûr, car l'affaire était largement éventée avant même de commencer. Et ce n'est nullement un hasard si on l'a laissé suivre son cours. Et avant même d'essayer de percer le fin mot de l'histoire, il n'est pas indifférent de savoir qu'on allait aussi compromettre le fils d'une importante personnalité britannique. Ouais, le fils Thatcher. Lui-même. Et aussi quelques autres personnages de premier plan. Mais reconnaissez que j'ai déjà été long. Alors, voyons la suite dans notre prochain entretien. Pour finir, très provisoirement, cette histoire, je vous propose la lecture d'un extrait du portrait d'Obiang Nguema, publié par l'hebdomadaire Jeune Afrique. Un journal qui, il faut le préciser d'emblée, a toujours été très favorable au dictateur équato-guinéen, malgré tous les excès de son régime. À écouter donc avec un certain esprit critique. Il reste néanmoins que ces lignes laudatrices montrent un personnage parfaitement capable d'avoir imaginé le piège où allaient tomber tous ces mercenaires qui voulaient l'abattre. Patient, Obiang Nguema, avec le self-control, l'obstination est d'ailleurs l'une des principales qualités de cet homme, aussi secret qu'énigmatique, maître absolu depuis 27 ans d'une sorte de Qatar tropical, de ses 700 000 habitants et de ses 19 millions de tonnes de brut annuel. De la patience, il y en a fallu pour supporter pendant près de deux décennies les sarcasmes et la commisération de ceux qui voyaient en cette ancienne colonie espagnole un cul de basse-fosse au cœur des ténèbres, oublié de Dieu et des hommes. Et puis, en 1995, le pétrole jaillit du fond de l'océan au large de Bioko, comme une manne céleste. Troisième producteur d'Afrique subsaharienne, la Guinée équatoriale est depuis lors un émirat envié, courtisé, propice à tous les fantasmes et à toutes les convoitises. Si les pétro-CFA ont tourné la tête de certains de ses proches, qui n'hésitent pas à exorciser le passé avec l'arrogance clinquante des nouveaux riches, Teodoro Obiang Nguema a su garder les pieds sur terre, intelligent, prévoyant, calculateur, l'ancien élève des bons pères de Bata, catholique fervent et un brin prêcheur, n'hésite pas à gourmander son peuple quand cela lui semble nécessaire. Mais nulle allusion dans cet article complaisant à la fortune que le président Obiang Nguema continue d'amasser.